professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Pourquoi la vérité ne doit-elle pas être exclue de la sphère politique ? Demande la philosophe Claudine Tiercelin. Comment a-t-elle un rôle capital à jouer dans la défense de nos principes, de nos valeurs et de nos idéaux démocratiques ? Claudine Tiercelin, titulaire de la chaire de métaphysique et philosophie de la connaissance, nous entraîne dans une vaste enquête autour de la notion problématique et critiquée de vérité, dans le cadre de son exigeante mais stimulante série « Connaissance, vérité et démocratie ». La normalienne, passée par Berkeley et qui a fait sa thèse sous la direction de Jacques Bouveresse sur le problème des universaux chez Peirce, tisse des ponts entre l'Europe et l'Amérique, et nous introduit au cœur de la philosophie analytique anglo-saxonne. Dans la parse destruens de son enquête, qui occupe le cours précédent, celui d'aujourd'hui et de demain, et je la cite, il s'agit donc, en un premier temps, à tirer au clair ce que n'est sans doute pas la vérité. Comment il apparaît que le concept de vérité ne se réduit pas facilement à certains concepts dans lesquels on tend parfois à l'enfermer, au premier rang desquels la correspondance, à laquelle nous associons assez naturellement la vérité, mais qui, sauf à y voir une forme de truisme, relève davantage, en toute rigueur, d'une illusion. La cohérence, laquelle a, entre autres défauts, par le holisme qu'elle engendre, de rendre parfois acceptables des croyances purement contradictoires, ou encore de ne pas rendre compréhensible notre ancrage dans le monde en sous-estimant le rôle de nos croyances, de nos perceptions et des liens qui existent entre la connaissance, la pratique et l'action. Claudine Tiercelin discute les écueils et les apports de ces différentes approches avant de montrer les insuffisances d'une analyse du concept de vérité en termes d'utilité ou encore de vérification ou de vérifiabilité. À l'issue de l'interrogation de ces différentes approches, où nous retrouverons en particulier les discussions de Gottlob Frege, William James, Frank Ramsey et Bertrand Russell, nous voici, explique Claudine Tiercelin, donc apparemment placée à ce stade devant l'alternative suivante, et je la cite, « Soit nous employer à chercher une voie autre, moins substantielle en quelque sorte, comme tendent à nous le proposer certains déflationnistes ou partisans d'une approche minimaliste de la vérité, soit renoncer une fois pour toutes à nous intéresser à la question de la vérité et nous résoudre à admettre de surcroît qu'appliquer au domaine politique, c'est une perspective de type rawlsien et kelsenien qui est la plus appropriée. À voir. » Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 8 mars 2017 pour le cours de Claudine Tiercelin, Connaissance, vérité et démocratie, aujourd'hui, pars destruens, ce que n'est pas la vérité, suite. L'un des enseignements de l'analyse fregéenne est celui de la déflation qui se trouve, semble-t-il, en même temps opérée du concept même de vérité, point qui n'est pas sans conséquence. Cela ne veut assurément pas dire que vrai serait dénué de signification ou de dénotation. Il faut plutôt entendre cela au sens où la signification de ce mot ne serait pas au fond une signification substantielle ou profonde. Le sens du mot ne serait pas autre chose en définitive que celui qui nous est livré par l'équivalence suivante. Il est vrai que P, si et seulement si P. Ou comme le dit Frege, si j'asserte, il est vrai que l'eau de mer est salée, j'asserte la même chose que si j'asserte, l'eau de mer est salée. En un sens, il n'y aurait donc pas, comme le dit aussi Frank Ramsey, de problème spécifique quant à la vérité. Il est vrai que César fut assassiné, entre guillemets, ne signifie rien de plus que César fut assassiné. Page 217 dans Logique, philosophie et probabilité. À bien des égards, les pragmatistes, nous allons le voir, rejoignent ici Frege, mais aussi ce qu'on appelle aujourd'hui chez les théoriciens de la vérité, les approches déflationnistes ou minimalistes de la vérité. Mais avant d'y venir plus en détail et de nous interroger sur ce qu'elles nous apprennent sur la vérité, mais aussi peut-être sur ce qu'elles laissent, à mon sens, un peu trop en suspens, je voudrais d'abord m'arrêter sur d'autres problèmes classiques qui, à la suite de celui capital qu'a donc épinglé Frege, de la confusion si fréquente entre ce qui est vrai et ce que l'on tient pour vrai, entoure le concept de vérité. Ces problèmes touchent au fond à ces idées qu'il est classique d'associer à la vérité dès lors que l'on cherche à définir celle-ci, à savoir principalement celle de correspondance, celle de cohérence ou encore celle d'utilité ou de vérification. Commençons donc par celle, si vous le voulez bien, de correspondance. En s'employant à trouver une définition satisfaisante de la vérité, William James s'est toujours moins pris à l'idée même de correspondance qu'à l'illusion que véhicule, semble-t-il, ce concept d'un possible accord avec le réel qui serait entièrement indépendant de ou transcendant à ce que nous pourrions en connaître. Chez James, cette idée se traduit par la conviction que la vérité n'est pas une propriété, comme il le dit, statique, inerte de nos idées, ou encore une copie de la réalité correspondante. À quoi, en effet, pourrait bien mener, dit James, une telle duplication ? Il faut noter au passage et nous en souvenir, lorsque nous présenterons une approche positive que je crois possible de la vérité, que ce constat n'a jamais empêché William James, j'y reviendrai, d'insister pour sa part sur le pouvoir contraignant du réel avec lequel nos croyances doivent non pas en toute rigueur correspondre, mais être assurément, dit-il, en accord, in agreement. C'est d'ailleurs cet accord par accointance directe avec les réalités extérieures que James développe dans son empirisme radical, allant jusqu'à considérer qu'une idée qui n'est pas directement vérifiée peut aussi s'accorder avec la réalité en se substituant à elle. Ainsi, la croyance que le sofa qui se trouve dans mon bureau était là à 3 heures dimanche matin conduit à une prédiction aussi réussie que si je l'avais directement vérifié. S'accorder avec une réalité, écrit James au sens le plus large du terme, ne peut que signifier être guidé tout droit vers elle ou dans ses alentours. Fin de citation. Bref, il s'agit moins pour lui ou pour des auteurs comme d'autres pragmatistes tels que Peirce ou Ramsey, nous le montrerons, de contester la correspondance que de dire qu'elle est au fond, que c'est une notion au fond peu informative ou qui traduit simplement une platitude ou un truisme sur la vérité. Pour reprendre le terme de Ramsey dans Onchus, page 12. En un sens donc, ils l'admettent, mais ils considèrent qu'il faut en clarifier le sens parce que, comme l'observe Ramsey, les erreurs commises sur le concept de vérité viennent de ce que l'on confond la vérité et le mérite intellectuel en général et d'une attitude émotionnelle envers la vérité qui ne permet pas à ses dévots de penser qu'elle puisse jamais être ennuyeuse ou triviale. Or, si on peut admirer la connaissance et l'ingéniosité, la simple vérité est ce à quoi peut accéder par accident le premier imbécile venu. Elle n'a aucune valeur morale. Untruth, page 31. Il y a donc simultanément une platitude, n'est-ce pas, et une illusion dans le concept de correspondance. Quelle est la platitude? Eh bien, c'est celle-là même qui était énoncée par Aristote, de savoir comment nous devons comprendre l'accord avec la réalité ou les faits, ou comme diront les scolastiques, l'adéquatio rei et intellectus. Définition qui a en effet un petit air tautologique, si l'on se reporte à la définition donnée dans ce fameux passage de la métaphysique, 1011b26, dire de ce qui est que cela n'est pas, ou de ce qui n'est pas que cela est faux, et dire que ce qui est, de ce qui est que c'est, et de ce qui n'est pas que cela n'est pas, est vrai. À ceci près que si dans ce texte, Aristote semble plutôt développer une conception assez parménidienne de la vérité comme identité avec l'être. Dans un autre texte, comme vous le savez, Aristote s'appuie moins sur l'identité que sur la signification. Ainsi, en 1051b38, « Ce n'est pas parce que nous pensons d'une manière vraie que tu es blanc, mais c'est parce que tu es blanc qu'en disant que tu l'es, nous disons la vérité. » Ce qui laisse donc bien penser que pour le stagirite, comme il le dit explicitement aussi, la vérité et l'erreur ne sont pas dans les choses, mais dans les pensées. 1027b25. Il faut donc, semble-t-il, entendre la correspondance, non pas au sens d'une identité, auquel cas le vrai, comme l'a bien vu Thomas d'Aquin, n'ajouterait rien à l'étant, mais comme une relation de l'étant à l'intellect, ou une relation de signification, qui est un rapport de concordance entre celui-ci et celui-là, adéquation de l'intellect et de la chose, donc. Mais regardons toutefois les choses d'un peu plus près et clarifions le sens de ce fameux concept de correspondance. En vérité, considère Frege, aucune définition de la correspondance ne peut en toute rigueur être donnée. En effet, écrit-il, un accord ne peut être total que si les choses en accord coïncident, donc ne sont pas de nature différente. On doit pouvoir prouver l'authenticité d'un billet de banque en l'appliquant par recouvrement sur un billet authentique. Mais tenter d'obtenir le recouvrement d'une pièce d'or par un billet de 20 marques serait ridicule. Le recouvrement d'une chose par une représentation ne serait possible que si la chose était elle-même une représentation. Et si la première s'accorde parfaitement à la seconde, elle coïncide. Or, c'est précisément ce que l'on ne peut pas avoir si l'on définit la vérité comme l'accord d'une représentation avec quelque chose de réel. Il est essentiel que l'objet réel et la représentation soient différents. Fin de citation. Ça, c'est dans la pensée, texte donc publié dans Écrits logiques et philosophiques, 1971, page 172. Comme on l'a fait remarquer, Frege retrouve ici en fait la difficulté qu'avait bien vu Thomas d'Aquin dans les questions disputées sur la vérité, qui, en bon réaliste, niait que du fait qu'on doive distinguer le sens de la vérité dans la chose du sens de la vérité dans l'intellect, il s'ensuive que la vérité soit avant tout dans ce dernier. Je cite, « Le jugement portant sur la vérité dépendrait de l'opinion de chacun. On retomberait ainsi dans l'erreur de ces philosophes antiques qui disaient que tout ce que chacun juge est vrai et donc que deux propositions contradictoires sont vraies en même temps. » Fin de citation. Difficulté qui se redouble quand on admet, comme Grégoire de Rimini, que la vérité ne se prédique pas de la chose, mais du contenu de la proposition affirmée, c'est-à-dire du signifié propositionnel. Or, si l'on distingue ainsi une prédication de vérité, par exemple Deus est, d'une prédication de science ou de savoir, Deus esse est verum, on devrait conclure à l'impossibilité de toute prédication de vérité, car il faudrait encore s'assurer que la seconde prédication, celle de la science, est vraie, autrement dit que Deus esse esse verum est verum. Pour sa part, Frege en conclut qu'il est impossible de donner quelque définition que ce soit de la correspondance. Je cite, Si réel et représentation sont différents, ajoute-t-il en effet, il n'y a plus accord. Et on doit dire qu'il ne peut y avoir de vérité parfaite, mais qu'il y a des degrés de vérité, ce qui est absurde, car la vérité ne supporte pas le plus ou le moins. La correspondance est donc impossible, car elle présuppose l'existence d'une relation entre deux choses différentes, alors même que cette relation semble être l'identité. Pourtant, avance-t-il encore, ne pourrait-on pas poser qu'il y a vérité quand l'accord a lieu, au fond, sous un certain angle, sous un certain point de vue ? Mais alors lequel ? Que faudrait-il pour décider si quelque chose est vrai ? Il faudrait chercher s'il est vrai que, par exemple, une représentation et un objet réel s'accordent sous le point de vue en question. On serait affronté de nouveau à une question du même genre que la précédente et le jeu pourrait recommencer. Ainsi échoue-t-on à tenter d'expliquer la vérité comme accord. Mais toute autre tentative pour définir l'être vrai échoue également. Une définition proposerait certains traits caractéristiques du vrai, et dans une application particulière, il s'agirait toujours de savoir s'il est vrai que les traits caractéristiques sont constatés. On tourne en cercle. Il est donc vraisemblable que le contenu du mot « vrai » est unique en son genre et indéfinissable, et donc en un sens primitif. Page 174 de la pensée. En tout cas, il y a bien quelque chose qui s'apparente bien dans l'idée de correspondance à un truisme. Un truisme, certes, mais peut-être aussi une illusion. Une illusion, oui, mais simplement au sens où ce truisme pourrait tendre à masquer ou à déplacer les problèmes réels que l'on doit poser si l'on veut comprendre ce qui est en jeu dans le concept de vérité. Bref, apprendre une définition nominale pour une définition réelle, à privilégier ce que nous le verrons, quelqu'un comme Peirce dénonce comme une approche transcendantale de la vérité qui introduit des éléments encore plus obscurs que celui de vérité, tels que celui de caractère réel, d'objet ou de réalité, au détriment de ce qui se passe du côté de l'assertion et de nos engagements à son égard et donc de nos liens avec la communauté, de nos actes de pensée, croyances et jugements, et enfin de la connaissance, de l'enquête et du rôle que jouent l'induction et la probabilité dans notre approche du vrai, mais je n'anticipe pas. Qu'est-ce donc que la vérité ? S'interroge en tout cas Peirce. On accuse parfois Kant de dire que c'est la correspondance d'un prédicat avec son objet. Le grand analyste n'est pas coupable d'une telle puérilité. Il l'appelle une définition nominale, c'est-à-dire une explication valable à donner à quelqu'un qui n'a jamais auparavant vu le mot « Wahrheit ». Peirce rejette donc moins la correspondance ou le correspondantisme qu'il ne le juge superflu, ne donnant au fond aucune information intéressante sur la signification pragmatique du concept. Mais en même temps, il rappelle que ces fameux faits auxquels correspondent donc les propositions vraies ne sont rien d'autre en effet que ce que Frege considérera, nous l'avons vu, comme des pensées ou des propositions vraies. Contrairement aux nombreuses tentatives qui vont être menées et sur lesquelles je ne puis malheureusement ici m'étendre, notamment par Russell ou Wittgenstein dans le cadre de métaphysique de la philosophie de l'atomisme logique, ou encore par Husserl dans ses recherches logiques, puis dans une perspective plus linguistique comme le sera celle d'Austin, toute tentative visant à faire appel à des entités telles que des faits, de quelque manière qu'on interprète ce concept pour expliquer la vérité, semble compromise. Faisant référence à l'hypothèse de Mill, selon laquelle un fait est, je cite, « l'histoire objective même de l'univers pendant un court laps de temps, dans son état objectif d'existence en lui-même », Peirce répond que ce n'est pas ce qu'est un fait. Un fait est un élément qui a été abstrait de cela. Un fait se ramène à la réalité qui est représentée dans une proposition singulière. Si une proposition est vraie, ce qu'elle représente est un fait. Le fait n'a donc pas, en toute rigueur, vous voyez, le poids métaphysique requis pour une analyse informative de la vérité comme correspondance entre proposition et fait. Un état de choses est une partie constituante abstraite de la réalité d'une nature telle qu'il faut une proposition pour la représenter. Fin de citation. Ramsay considère de même que la correspondance est fâcheuse si on croit pouvoir l'expliquer avant d'avoir analysé ce qu'il appelle la référence propositionnelle. Car c'est seulement lorsque l'on connaît la structure de la croyance que l'on peut dire quelle sorte de correspondance unit les vraies croyances aux faits. Or, on peut être sceptique sur le fait qu'il y ait une relation simple de correspondance applicable à tous les cas, ou même qu'il soit toujours juste de décrire la relation comme valant entre la croyance que P et le fait que P. Par exemple, si la croyance est disjonctive, comme elle l'est lorsque Jones pense que Smith est soit un menteur, soit un imbécile, allons-nous dire qu'elle est rendue vraie par un fait disjonctif ? Le fait, en l'occurrence, que Smith est soit un menteur, soit un imbécile ? Et si nous soutenons qu'il est absurde de croire que la réalité contient un simple ou bien, je vous laisse élucubrer sur le fameux fait alternatif, à quoi correspond la croyance ? Si on entend la correspondance comme supposant des entités indépendantes, une identité de structure entre nos pensées et le monde, un critère extérieur auquel nous prétendons nous conformer, il y a donc lieu de s'en méfier. Mais elle s'apparente à un truisme ou à une évidence si on s'en tient à un usage terre à terre et non métaphorique du terme. Bref, si on l'entend non pas au sens de ces énoncés obscurs, la beauté et la vérité et la vérité et la beauté, mais au sens où il est vrai que Charles Ier a été décapité et que la terre est ronde. Hunches, page 6. Bref, si on la restreint aux confins, dit Ramsay, de la signification et du jugement, page 36-38. Tournons-nous alors vers l'autre concept clé par lequel nous pourrions chercher à définir la vérité, celui de la cohérence. La vérité, n'est-ce pas, ne serait donc pas l'accord de nos jugements avec la réalité, mais un accord des jugements et des représentations entre eux. Sans doute y a-t-il là aussi quelque chose de juste dans cette idée de cohérence. Comment ne pas reconnaître ce fait indiscutable que ce à quoi j'ai affaire, ce sont à mes jugements, à mes croyances, à mes opinions, et donc que de quelque côté que je me tourne, je suis cerné par le cercle de mes propres idées. Que la vérité que je recherche ne peut consister en une relation entre elle et quelque chose au dehors, mais doit se trouver bel et bien à l'intérieur du système de mes croyances et non dans une relation entre elle et une réalité inconnaissable. De ce point de vue, assurément, la vérité a quelque chose d'immanent et ce critère immanent doit être la cohérence, la compréhensivité, car tel est le test que nous employons. Il n'est aucun souvenir, dit Ramsay, aucune perception dont nous soyons si certains que nous ne l'abandonnerions pas comme une illusion s'il était impossible de l'harmoniser autrement avec nos autres croyances. Page 40. Il nous faut pourtant résister à cette tentation cohérentiste, aussi plausible soit-elle, car elle crée une difficulté illusoire, et voici pourquoi. Lorsque nous décidons que la Terre est ronde, nous ne jugeons pas que notre croyance correspond à un fait, mais plutôt que c'est la seule qui soit cohérente avec nos croyances sur le fait que le bateau disparaît à l'horizon, etc. La vérité que nous supposons avoir notre croyance doit donc consister non pas dans la correspondance avec le fait, mais dans la cohérence avec d'autres croyances. L'erreur réside dans le fait de supposer, dit Ramsay, et c'est un point très important, qu'en jugeant que la Terre est ronde, nous pensons le moins du monde à des croyances. Ni notre jugement final que la Terre est ronde, ni nos croyances initiales que les bateaux disparaissent, etc., ne sont le moins du monde des objets de notre pensée. Nous ne pensons pas à notre propre pensée, mais à des bateaux qui disparaissent et à la Terre qui est ronde. Si la cohérence intervient aucunement dans notre pensée, c'est la cohérence de la réalité, pas la cohérence de nos croyances. Anschluss, page 40-41. Mais vous voyez, il y a encore une autre limite dans l'approche cohérentiste de la vérité qui tient à son caractère holistique. Les cohérentistes concluent souvent de leur position qu'il est impossible d'attacher une signification intrinsèque à une phrase singulière telle que « César a franchi le Rubicon » parce qu'elle serait indissociable de tout le système holistique et du contexte dans lequel on doit tenir compte de la vie de César, du déclin de la République romaine, etc. Mais il est évident que « César a franchi le Rubicon », rétorque Gramsay, n'est pas toute la vérité sur cet événement. Mais je ne vois pas en quoi cela tendrait, en quoi que ce soit, à montrer que cela ne fait pas partie de toute la vérité. Du fait qu'il était à la tête de son armée, n'était-il pas César ? Qu'il ait été conduit à traverser par les motifs de l'ambition, l'a-t-il en quoi que ce soit empêché de traverser ? Si je demandais à quelqu'un s'il y a un chien dans la maison, serait-il pour lui raisonnable de répondre « Non, il n'y a pas un chien abstrait, il n'y a qu'un caniche. » Anschluss, page 30, voyez aussi page 95-96. Comment, dans ces conditions, vous le voyez, étant donné les limites évidentes que présente le concept de cohérence, pourrait-on ne pas être tenté de se rabattre sur l'idée, au fond, que lorsqu'on dit que les opinions des gens sont vraies ou fausses, ben, on veut dire tout simplement qu'elles correspondent ou ne correspondent pas aux faits. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, même si naturellement nous exigeons que notre système de croyance soit cohérent et contienne le maximum possible de choses que nous croyons instinctivement, nous ne considérions pas comme plausible un système historique, aussi cohérent soit-il, qui, comme le dit Ramsay, contredirait tous nos souvenirs et prétendrait que la mémoire est une faculté illusoire. Les croyances d'un homme atteint du délire paranoïaque de la persécution peuvent rivaliser en cohérence avec celles de bien des hommes sains d'esprit. Ce n'est pas cela qui les rend vrais. Anschluss, page 94. Passons alors au troisième concept problématique que nous avons évoqué, à savoir celui qui consisterait à définir la vérité comme ce qui paye, ce qui est utile ou expédient et conduite au succès, identification dont nous avons aujourd'hui moult illustrations. Cette troisième confusion est celle qui est classiquement associée à ce que l'on appelle la conception, il faut bien le dire, pragmatiste de la vérité. Sur ce plan encore, Ramsay a beaucoup contribué à dissiper les accusations primaires qui ont pu être adressées, notamment par Moore et Russell, au pragmatisme dit vulgaire, qui ridiculisait celui-ci en le présentant comme une idéologie typiquement américaine de marchands et d'ingénieurs, mais aussi une idéologie fasciste, du reste très vantée par Mussolini. Et donc, y compris les accusations, en partie justifiées, admet-il, visant William James, à qui l'on doit l'équation « le vrai, c'est l'utile, c'est ce qui paye, c'est ce qui a des effets ». Putnam a aussi montré, et je m'y suis employé aussi, à quel point l'interprétation de la position de James s'est souvent faite au mépris des textes et de leur contexte. Sous la forme grossière ou vulgaire, en effet, la thèse « le vrai, c'est l'utile », c'est la cash value, c'est l'expédient, c'est ce qui sert, est en effet ouverte à des objections évidentes, car il y a de nombreuses choses qu'il est utile de croire, mais qui sont fausses, et vice-versa. Il y a aussi bien des cas où l'ignorance, la crédulité, voire la stupidité se révèlent plus payantes que la connaissance et que l'intelligence. Nous ne le savons que trop. Il y a enfin une infinité de vérités qu'il est préférable, voire franchement inutile, de croire. Comme tous les numéros de téléphone du Botin. Au reste, quel est le critère de l'utilité ? Outre le fait qu'il est très difficile de déterminer quand les conséquences d'une croyance sont bonnes, le critère de l'utilité dépend le plus souvent de nos opinions. Il peut donc varier d'un individu, d'une communauté à l'autre, et le pragmatisme a vite fait de sombrer, lui aussi, dans le relativisme. De surcroît, comme n'a cessé de le marteler Russell, le pragmatisme ainsi entendu en vient à tordre complètement le concept de connaissance. Savoir que P, c'est savoir que P est vrai, nous l'avons vu. Mais si savoir que P est vrai, c'est savoir qu'il est utile de croire que P, alors il devrait s'en suivre que quand, par exemple, nous voulons savoir s'il est vrai que la neige est blanche, nous voulons savoir s'il est utile de croire cette proposition, ce qui n'est évidemment pas le sens de la question initiale à laquelle nous étions censés répondre. Et surtout, insiste Russell, cela donne l'impression fâcheuse de présenter une invitation immorale à juger les croyances non pas quoi que l'on dise sur leur vérité, mais sur quelque chose qui n'a rien, aucun lien essentiel avec elles, à savoir leur utilité, leur réussite. Et cela constitue, à ses yeux, la porte ouverte à toutes les dérives. Dans « Can religion cure our troubles ?»« La religion peut-elle guérir nos maux ?» voici ce qu'écrit Russell. « Dès lors qu'on soutient qu'une croyance quelconque, de quelque nature qu'elle soit, est importante pour une autre raison que le fait qu'elle est vraie, toute une armée de maux est prête à surgir. Le découragement de la recherche est le premier de ceux-ci, mais d'autres suivront à peu près à coup sûr. Les positions d'autorité seront ouvertes aux orthodoxes. Les comptes rendus historiques doivent être falsifiés s'ils jettent un doute sur les opinions reçues. Tôt ou tard, on en arrivera à considérer la non-orthodoxie comme un crime qui doit être traité par le bûcher, la purge ou le camp de concentration. Je peux respecter les hommes qui arguent que la religion est vraie et par conséquent doit être crue, mais je ne peux qu'éprouver une réprobation morale profonde pour ceux qui disent que la religion doit être crue parce qu'elle est utile et que se demander si elle est vraie est une perte de temps. Fin de citation. Toutefois, jusqu'à un certain point, il y a aussi quelque chose de juste, malgré tout, dans cette équation, le vrai, c'est l'utile. Frank Ramsey considère ainsi que cette définition du vrai par l'utile n'est peut-être au fond rien d'autre que ce que lui-même propose, qui est ceci. Une croyance que A et B signifient, selon cette thèse, une croyance qui est utile si et seulement si A et B. Une telle croyance sera donc utile si et seulement si A et B, c'est-à-dire si et seulement si elle est vraie. Et de même, inversement, elle sera vraie si et seulement elle est utile. On Truth, page 91. Cela étant, Ramsey n'admet pas moins que, pour l'essentiel, l'analyse pragmatiste de la vérité est correcte dès lors qu'elle s'entend, non seulement en termes de croyance, et donc en un sens non behavioriste réductionniste, de disposition à l'action, mais aussi qu'elle définit le vrai comme cela doit se faire à ses yeux, au moins en relation avec l'utile. Une croyance étant une disposition à agir utile, si et seulement si la croyance est vraie. En d'autres termes, et vous voyez que ce n'est pas l'équivalence jamesienne, P est vrai si et seulement si P est utile, et P est utile si et seulement si P. Comme j'essaierai de le montrer, lorsque nous passerons à la phase positive de l'examen, on peut aussi s'appuyer sur d'autres idées empruntées en particulier à Peirce, pour qui il existe un lien intime entre, ou en tout cas on doit s'efforcer de le préserver, entre la vérité, la croyance et nos dispositions à l'action, pour conforter une approche de ce genre. Le Collège de France et France Culture vous présente la philosophe Claudine Tiercelin, Connaissance, vérité, démocratie, aujourd'hui, Pars Destruens, ce que n'est pas la vérité, suite. Je voudrais, pour terminer ce tour d'horizon des problèmes qui viennent grever une analyse correcte de la vérité, procéder à l'examen, au moins très rapide, du concept de vérification, auquel aussi on s'emploie donc parfois à réduire le concept de vérité. Ce sont surtout les positivistes logiques du cercle de Vienne, comme vous le savez, qui ont soutenu l'idée que le vrai, se résume aux conditions fournies par l'expérience de vérifier le contenu de nos énoncés. Mais les pragmatistes sont aussi associés, et non pas à tort, au vérificationnisme, même si pour leur part, ce vérificationnisme se présente d'abord comme étant davantage ancré sur la signification. Le sens de nos énoncés, dit en effet la maxime pragmatiste formulée en 1878 par Peirce, sur laquelle je ne puis aujourd'hui m'étendre, c'est la possibilité de leur vérification par l'expérience au moins possible. Les positivistes viennois adoptent souvent en fait les deux théories qu'il n'est pas facile de distinguer, et nous le verrons, au moins un pragmatiste, John Dewey, soutient que la vérité, c'est bien la vérifiabilité ou ce qu'il appelle l'assertabilité garantie. En tout cas, pragmatisme et vérificationnisme se présentent tous deux bel et bien comme des théories épistémiques de la vérité, au sens où ils rattachent le concept aux notions et d'assertion et de critères d'assertion. Si je n'entre pas pour le moment dans le détail des différences des positions, on peut aussi dire qu'ils s'orientent davantage vers un anti-réalisme, au moins au sens où ils ne pensent pas que la vérité puisse être totalement indépendante de nos croyances. Malheureusement, ces théories, qu'elles émanent des positivistes ou des pragmatistes, se heurtent à des objections qui sont bien connues et que je vais évoquer très rapidement. Tout d'abord, comme on atteste les échecs répétés rencontrés par les positivistes, il semble très difficile de parvenir à définir ce que pourraient être les conditions effectives ou même idéales de la vérification et de proposer des critères empiriques de signification et de vérification non énoncés. En deuxième lieu, il est certes souhaitable de vouloir insister sur la relation entre la vérité et l'expérience, mais la philosophie des sciences nous apprend aussi que des théories rivales, incompatibles entre elles, peuvent prédire exactement les mêmes conséquences empiriques. Par exemple, la théorie ptolémaïque peut toujours, moyennant un nombre approprié d'hypothèses ad hoc, se construire de manière à produire exactement les mêmes prédictions que l'hypothèse copernicienne. C'est ce qu'on appelle le problème classique en philosophie des sciences, si vous voulez, de la sous-détermination des données par les données empiriques, dont on voit que si l'on pousse la cohérence jusqu'à ses derniers retranchements, eh bien, elle nous mène finalement à l'idée absurde qu'avait en son temps fortement dénoncée Popper, qu'il nous serait finalement possible de rendre toutes nos croyances, toutes nos théories, moyennant évidemment les bons ajustements, cohérentes avec l'expérience, ce qui nous ramène, vous le voyez, à l'objection russellienne que j'ai évoquée à l'instant. Sous un autre nom, il s'agit là des difficultés qui entourent ce que l'on appelle classiquement une conception holiste des théories scientifiques, dont Pierre Duhem et Willard von Orman Quine sont les principaux représentants au XXe siècle, en vertu de laquelle nos théories ne rencontrent jamais le tribunal de l'expérience isolément, mais en bloc, en sorte que l'on ne peut réviser une partie sans réviser l'ensemble. William James est là encore, parmi les pragmatistes, je le crains, celui qui a le plus clairement défendu une position vérificationniste. Si la vérité n'est pas une copie statique du réel, mais en prise directe sur le réel par nos croyances ou dispositions à l'action, c'est, déclare-t-il, un instrument de recherche qui nous permet à l'occasion, je cite, de refaire le monde. La vérité est donc pour lui indissociable de la vérification, de la justification ou de la confirmation de la croyance. Donc, la vérité n'est pas seulement pour James indissociable de la vérification ou de la confirmation, il faut bien admettre que pour lui, elle s'y réduit. Or, sur ce point, la prudence ne s'impose-t-elle pas? Assurément, comme on a pu le dire, ce qui est à mettre à la décharge de James, c'est que s'il s'intéresse plus aux vérités particulières que l'on vérifie à court terme qu'à la totalité constituée par les vérités individuelles obtenues à long terme, tout d'abord, il ne limite pas les idées vraies à celles qui sont effectivement vérifiées, mais aux idées dont il est possible de dire qu'elles le seront, donc aux idées vérifiables et à long terme. Et l'influence de Peirce, en tout cas sur ce point, n'est sans doute pas pour rien dans ces nuances qu'il sera amené à apporter. En deuxième lieu, William James reconnaît que la plupart des croyances que nous jugeons vraies ne sont au mieux vérifiées que de manière indirecte. Voici ce qu'il dit. Un processus indirect ou simplement virtuel de vérification peut donc être aussi vrai qu'un processus direct et complet. Fin de citation. Ce pourquoi, je cite, la vérité vit à crédit la plupart du temps. Nos pensées et nos croyances passent comme monnaie ayant cours tant que rien ne les fait refuser, exactement comme les billets de banque, tant que personne ne les refuse. Fin de citation. Vous apprécierez. Enfin, certaines propositions peuvent être dites vraies ou fausses, même si personne ne les a jamais vérifiées ou falsifiées, ou même simplement envisagées. Simplement, observe James, cette manière de s'exprimer n'a qu'un intérêt relatif. Il est donc, c'est vrai, injuste de reprocher à James d'identifier purement et simplement la vérité avec la vérification, puisque celle-ci s'étend chez lui à la vérifiabilité. Sans doute, cette dernière notion est-elle aussi problématique, et ses conditions effectives malaisées à définir, comme en ont fait l'expérience, je viens de le faire observer, les positivistes logiques. S'agissant par exemple des énoncés mathématiques indécidables ou des énoncés dispositionnels. Mais au moins James n'est donc pas autant qu'on le dit parfois sous le coup des objections dévastatrices de Moore et de Russell. On pourrait dire que s'il tient bien le vrai pour le vérifiable, c'est le plus souvent en le rattachant à une théorie vérificationniste de la signification. La signification d'une proposition et sa conformité avec l'expérience possible ou sa vérification, y compris l'idéal. Et c'est du reste ce qui confère à la signification une indétermination irréductible. Il n'empêche les difficultés qu'éprouve James à essayer de remplacer vérifiable par vérité le conduisent aussi à soutenir, et les passages que je viens de vous lire le disent suffisamment clairement, n'est-ce pas, que la vérité est un, je cite, « processus en développement que rejoignent les vérités individuelles une fois qu'elles sont vérifiées, et dès lors il échappe difficilement à l'objection selon laquelle si une croyance n'est vraie que dans le cas où elle est vérifiable, alors toutes ces vérités individuelles sont vraies avant d'avoir été vérifiées. Ce qu'il dit manifestement. Voyez, The Meaning of Truth, page 121. Or, si la vérité consiste toujours dans les mêmes vérités, elle ne s'accroît pas. Donc, vous voyez, il y a bien au moins chez lui une tension réelle entre deux thèses. Première thèse, l'idée que la vérité doit s'entendre comme un accord avec une réalité qui est indépendante de nous. Deuxième thèse, l'idée que la vérité est quelque chose que nous faisons. En vertu de la première thèse, la vérité est découverte. Dès qu'on découvre qu'un jugement est vrai, il l'a toujours été, donc très frégéen en un sens, n'est-ce pas ? Mais en vertu de la deuxième thèse, bien entendu, la vérité est créée. Des jugements qui n'étaient pas vrais auparavant le deviennent. Or, ce sont là, avouez-le, de prime abord, deux thèses contradictoires. Et Peirce, faisant allusion à la deuxième thèse, ne s'est pas privé de dénoncer ce qu'il a appelé la thèse de la mutabilité du vrai de son cher ami pragmatiste Willy. « Il est selon moi dommage, écrit Peirce, que James accepte une philosophie si empreinte de vie qu'elle en devient infectée de semences mortelles avec des notions telles que celles de la mutabilité de la vérité. » Bien, comme les approches correspondantistes et cohérentistes, les approches en termes d'utilité ou de vérification semblent donc bien avoir du mal, vous voyez, à éviter des problèmes majeurs. Est-ce à dire que nous n'ayons alors d'autre choix que celui-ci ? Soit nous employer à chercher une voie autre, moins substantielle en quelque sorte, comme tentent à nous le proposer certains déflationnistes ou partisans d'une approche minimaliste de la vérité, soit renoncer une fois pour toutes à nous intéresser à la question et à admettre, de surcroît, qu'appliquée au domaine politique, c'est une perspective de type rawlsien ou kelsénien qui est la plus appropriée. Non seulement il me semble, à ce stade, prématuré de conclure, mais plus encore j'espère avoir montré, en insistant sur la première confusion, celle si courante que nous faisons entre ce qui est vrai et ce que nous tenons pour vrai, que c'est précisément cette confusion qui est à l'œuvre dans la position que défend Kelsen à la fin de la démocratie, sa nature, sa valeur. Car ce n'est pas la vérité en tant que telle qui est absolutiste, bien entendu. C'est l'attitude que l'on croit nécessaire d'adopter sur elle, en s'appuyant sur une position d'autorité dogmatique, absolutiste et fanatique. C'est cette attitude qui est problématique, et c'est cette attitude qui consiste à réduire le vrai à la certitude absolue que l'on croit pouvoir entretenir à son sujet. Mais comme nous le verrons, c'est justement une position de ce genre qui est en parfaite contradiction avec ce que l'on vise lorsque l'on vise la vérité et qu'on la tient pour une valeur suprême en démocratie. Ainsi que l'avait parfaitement compris Russell, comme l'a montré Bouveresse dans son beau texte « Bertrand Russell, la science, la démocratie et la poursuite de la vérité ». Russell considère en effet, et c'est par là que je voudrais terminer, que ce n'est pas par l'illusion, je le cite, aussi élevée qu'elle puisse être, que l'humanité peut prospérer, mais seulement par le courage et la constance dans la poursuite de la vérité. Ce pourquoi, ajoute-t-il, je ne peux pas croire, et je dis cela avec toute l'insistance dont je suis capable, qu'il puisse y avoir une quelconque bonne excuse pour refuser d'affronter les éléments de preuve qui parlent en faveur d'une chose non désirée. Mais prend-il soin de préciser, une telle poursuite ne peut se faire sans une certaine dose de scepticisme, en effet, la tâche principale de la philosophie devant être de nous apprendre à vivre sans certitude absolue. Ce que pensait-il, nous pouvons faire, à un degré souvent bien plus élevé qu'on ne le croit généralement. Car ce n'est pas le scepticisme, mais le dogmatisme, que fustige lui aussi, à juste titre, assurément, Kelsen, ou plus précisément les détenteurs de certitudes dogmatiques, qui paraît à Russell le pire des dangers. Voici ce qu'il écrit dans « Can religion cure our troubles ?»« Je ne crois pas qu'un déclin de la croyance dogmatique puisse faire autre chose que du bien. J'admets tout à fait que les nouveaux systèmes de dogmes, comme ceux des nazis et des communistes, sont encore pires que les anciens systèmes. Mais ils n'auraient jamais pu acquérir une emprise sur les esprits des hommes si des habitudes dogmatiques orthodoxes n'avaient pas été instillées dans la jeunesse. Mais voilà, refuser le dogmatisme, ce n'est pas du tout fuir la vérité, c'est même tout le contraire. C'est affirmé, je cite, qu'il n'est pas souhaitable de croire une proposition s'il n'y a pas de raison d'aucune sorte de supposer qu'elle est vraie, et que l'on doit constamment appliquer ce principe selon lequel, je cite, on doit s'efforcer de ne croire autant que possible que des choses vraies, ou qui du moins ont des chances raisonnables d'être vraies. Ce qui suppose d'abord qu'une recherche de la vérité se distingue rigoureusement, en effet, de celle de l'utilité, de l'efficacité ou de l'agrément, mais aussi que la science est à cet égard, bien souvent, de toutes les activités intellectuelles qui prétendent à la connaissance, celle qui a le moins peur du genre de vérité qu'elle est susceptible de découvrir et qui est la moins susceptible de céder à l'illusion que la vérité doit correspondre à nos aspirations et à nos attentes. Ce qui ne signifie pas du tout, aux yeux de Russell, que la science serait le dernier mot en tout, car rien n'autorise à penser que l'accroissement de connaissances s'accompagne automatiquement d'un accroissement en sagesse. J'entends par sagesse, écrit Russell, une conception correcte des fins de la vie. C'est une chose que la science en elle-même ne fournit pas. L'accroissement de la science par lui-même, en conséquence, n'est pas suffisant pour garantir un progrès authentique quelconque, bien qu'ils fournissent un des ingrédients que requiert le progrès. Ce qui veut donc dire incidemment que pour lui, je cite, « le mystique, l'amoureux et le poète sont également des chercheurs de connaissances, mais peut-être pas des chercheurs dont les efforts sont couronnés de beaucoup de succès, mais des chercheurs néanmoins dignes de respect pour cette raison. » Autrement dit, le fait que la science a apparemment mieux réussi dans sa recherche de vérités sur lesquelles tout le monde est prêt à s'accorder ne l'autorisant rien à mépriser les autres façons de chercher la vérité. Simplement, comme y a insisté Jacques Bouvresse, je le cite, « pour ce qui concerne le danger principal qui est aux yeux de Russell celui du dogmatisme, il lui semble au total être nettement moins grand dans le cas de disciplines comme les mathématiques ou la physique que dans le cas des sciences dites molles ou des disciplines littéraires en général, sans que l'on ait besoin, pour expliquer cela bien entendu, de supposer que les mathématiciens et les physiciens sont intrinsèquement plus vertueux que les historiens ou les philosophes. Plus le dogmatisme est naturel, et même de rigueur dans une discipline intellectuelle, comme c'est le cas par exemple dans la théologie, plus sa valeur éducative est, du point de vue de Russell, réduite, et son emprise sur les esprits dangereuse. On en connaît les conséquences politiques désastreuses. Quand c'est la méthode de l'autorité qui est adoptée, et j'y reviendrai en parlant aussi la prochaine fois de Peirce, comme étant la méthode appropriée à la production de croyances vraies, les dissidents sont traités comme des insoumis et punis en conséquence. Or, si l'on peut montrer à l'inverse l'existence d'un lien indissociable entre la vérité et la démocratie, c'est aux yeux de Russell pour la raison suivante. Je cite « Depuis l'époque de la Grèce ancienne, il y a toujours eu deux conceptions concernant la façon de produire des croyances vraies et deux conceptions correspondantes concernant la meilleure forme de gouvernement. Bien que ces deux controverses liées entre elles aient existé pendant plus de 1000 ans, elles sont aussi vigoureuses à l'époque actuelle que dans n'importe quelle période précédente. Les deux façons de produire ce que l'on estime être des croyances vraies peuvent être distinguées comme le mode de l'autorité et le mode de la discussion et de la recherche. De la même façon, les deux formes de gouvernement sont celles de l'autorité et celles de la discussion et de la décision à la majorité. Que l'autorité soit celle d'un texte considéré comme sacré, d'un parti, d'un chef ou de quelque autre instance que ce soit, ne change rien sur le fond à cette différence cruciale. En d'autres termes, vous le voyez, pour les mêmes raisons exactement que Kelsen, mais en tirant la conclusion exactement inverse, Russell considère que la connexion entre science et démocratie est plus étroite qu'on ne le pense parfois, parce qu'il y a pour elles deux l'insistance sur la discussion libre par opposition à l'autorité. Il y a donc un lien entre elles parce que le tempérament qui est requis pour faire de la démocratie un succès, dit-il, est dans la vie pratique exactement ce que le tempérament scientifique est dans la vie intellectuelle. C'est une demeure qui se situe à mi-chemin entre scepticisme et dogmatisme. La vérité ne peut pas être complètement atteinte et elle n'est pas non plus complètement impossible à atteindre. Elle peut être atteinte seulement à un certain degré et cela uniquement avec difficulté. Autrement dit, et l'on voit bien ici la confusion que commet Kelsen, ce qui est en cause, ce n'est pas la vérité des croyances comme telle, c'est l'attitude que l'on adopte face à nos croyances. En d'autres termes, c'est parce que l'incertitude et le doute sont les compagnons naturels de celui qui est lancé à la poursuite de la vérité qu'il y a un lien étroit entre la tournure d'esprit rationaliste ou scientifique nécessairement sensible à l'expérience comme aux raisons et aux arguments d'une part et la démocratie d'autre part. Ce pourquoi, comme Russell l'écrit dans Politics and Philosophy, la seule philosophie qui fournisse une justification philosophique de la démocratie et qui s'accorde avec la démocratie dans son tempérament intellectuel est l'empirisme. Locke, qui peut être considéré pour autant que l'on parle du monde moderne comme le fondateur de l'empirisme, rend claire la connexion étroite qui existe entre cela et ses conceptions sur la liberté et la tolérance et son opposition à la monarchie absolue. Il ne se lasse jamais de souligner l'incertitude qui affecte la plus grande partie de notre connaissance, non dans une intention sceptique comme celle de Hume, mais avec l'intention de rendre les hommes conscients du fait qu'ils peuvent être dans l'erreur et qu'ils devraient tenir compte de cette possibilité dans toutes les relations qu'ils ont avec des hommes qui ont des opinions différentes des leurs. Or, c'est cette conscience que l'erreur reste possible, même dans les choses dont on est le plus sûr et dont on voit qu'elle est propre à la science, qui est dominée par l'idée d'approximation, qui montre le lien étroit qu'elle a avec la démocratie, alors que la possibilité de l'erreur n'a pas sa place et est à peu près impossible à envisager dans des domaines comme la théologie. À l'inverse, celui qui est lancé à la poursuite de la vérité admet d'emblée la nécessité du doute parce qu'il sait qu'aucune de nos croyances n'est tout à fait vraie. Toutes ont au moins une pénombre de vagues et d'erreurs. Les méthodes qui permettent d'augmenter le degré de vérité dans nos croyances sont bien connues. Elles consistent à écouter toutes les parties, à essayer d'établir tous les faits pertinents, à contrôler nos propres préventions par la discussion avec des gens qui ont des préventions opposées, à cultiver la disposition à écarter toute hypothèse dont il a été démontré qu'elle était inadéquate. Ces méthodes sont pratiquées dans la science et ont construit le système de la connaissance scientifique. Tout homme de science, dont la façon de voir est véritablement scientifique, est prêt à admettre que ce qui passe pour une connaissance, au moment considéré, exigera sûrement d'être corrigé avec le progrès de la découverte. Néanmoins, il est suffisamment proche de la vérité pour servir un bon nombre de buts pratiques, mais pas tous. Dans la science, qui est la seule où on peut trouver une chose qui s'approche de la connaissance authentique, l'attitude des hommes est expérimentale et remplie de doutes. Dans la religion et la politique, au contraire, bien que l'on n'y trouve jusqu'à présent rien qui approche la connaissance scientifique, tout le monde considère comme étant de rigueur d'avoir une opinion dogmatique que l'on doit soutenir en infligeant la privation de nourriture, la prison et la guerre, et protéger soigneusement de la compétition argumentative avec n'importe quelle opinion différente. Pour peu que les hommes puissent être amenés à une disposition d'esprit qui ferait l'essai d'une attitude agnostique sur ces sujets, les 9/10 des maux du monde moderne seraient guéris. En d'autres termes, le pire danger dans une société qui est encore mue par des principes démocratiques serait celui qui se laisserait gagner par, je cite cette belle phrase de Bouveresse, le sentiment et bientôt la certitude que les désaccords et les conflits les plus importants peuvent et doivent être traités d'une façon qui, pour être sérieuse et efficace, doit commencer par exclure aussi complètement que possible de la confrontation l'intervention de la raison et de l'argumentation rationnelle. Fin de citation. Si Russell a, comme je le crois, raison, et si ce qu'il ne faut surtout, donc, ce n'est pas la volonté de croire, mais le désir de trouver, qui en est, comme il le dit, l'exact opposé, alors il nous faut non seulement affirmer avec force que la poursuite inlassable de la vérité ne doit pas être exclue de la sphère politique, mais plus encore qu'elle a un rôle capital à jouer dans la défense de nos principes, de nos valeurs et de nos idéaux démocratiques. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 8 mars 2017 Claudine Tiercelin. Connaissance, vérité, démocratie, aujourd'hui, Pars Destruens, ce que n'est pas la vérité, suite. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Claudine Tiercelin. Elle a notamment publié Le Ciment des choses, petit traité de métaphysique scientifique réaliste aux éditions Itac en 2011, et je rappelle son ouvrage « Le doute en question » publié pour la première fois en 2005 et reparu dans une édition augmentée en 2016. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons la grande enquête de Claudine Tiercelin autour de ce que n'est pas la vérité, suite et fin. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.